dans le lieu saint. Une odeur de prière et d'offrande. Car ce qui brûle devant toi chaque jour, garde le souvenir de ta demande. La prière nourrit l'intimité. Que nos vies montent comme un parfum. Une offrande douce devant toi. Que chaque soupir, chaque silence devienne une prière droite. Que nos vies montent comme un parfum. Jour et nuit devant ta face. Car servir sans te chercher